voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Christa Leuc. Nous avons choisi de vous faire écouter des extraits de la correspondance d'Anna de Noailles et de Maurice Barrès. Ils se sont écrits de 1901 à 1923, sauf pendant 7 ans de rupture et de silence. Leur correspondance s'est donc déroulée sur 15 années. Anna de Noailles a adressé à Maurice Barrès 539 lettres et lui, il a répondu par 392 messages. Maurice Barrès, romancier, essayiste et homme politique, sera élu à l'Académie française le 25 janvier 1906, au fauteuil précédemment occupé par José María de Heredia. Il y restera jusqu'en 1923. La passion qu'Anna de Noailles et Maurice Barrès éprouvent l'un pour l'autre s'est voulue platonique pendant de longues années, Barrès vantant l'amour avec obstacle comme moyen de perfectionnement, et Anna de Noailles chérissant son mari et son fils et refusant l'adultère, il n'en reste pas moins une correspondance très fortement chargée en sentiments et tellement riche en détails de la vie du début du XXe siècle. Autant de trésors qui sont conservés dans la bibliothèque de l'Institut de France et qui nous ont été confiés par Mireille Pastoureau, directeur conservateur de cette bibliothèque, et dont nous vous proposons quelques lectures. Mireille Pastoureau sera la voix d'Anna de Noailles et Fernand Guillot, celle de Maurice Barrès. Voici la lettre datée du mercredi 11 octobre 1905. Anna de Noailles est alors à Biarritz. Elle y parle de la future élection de son ami à l'Académie française. En effet, dès le mois d'octobre, Maurice Barrès procède aux visites protocolaires à l'Académie. Mon bien cher ami, je souhaite avec une terrible fureur que vous soyez élu. Écrivez quelle voix vous aurez. Ne bougez pas de Paris, où votre présence doit être indispensable, cher grand poète que j'aime. Mais jurez que vous serez élu. Nous ne voulons plus d'émotions comme la dernière fois. Oui, mon ami, on n'a que soi dans notre divin métier. L'enthousiasme des autres s'arrête, se bute à des intérêts, des amitiés. C'est un décourageant spectacle quand l'âme est faible comme chez moi, mais vous. Rousseau a dit de soi-même, « Celui qui ne s'enthousiasme pas pour moi n'est pas digne de moi. » C'est ainsi qu'il vous faut penser et que vous pensez. On est récompensé de toutes ses œuvres par l'amour du public. Ainsi, je m'attendrai ici d'un jeune précepteur des Lebaudis qui ne mange plus quand il me voit arriver au repas, tant je lui semble irréelle et précieuse, et non dans son humilité qu'il me trouve plaisante, mais parce qu'il aime mes livres. Dites-moi, mon ami, vos chances, et vous avez pour vous, du fond du cœur, mais sans pouvoir, hélas, le plus ému des poètes de notre temps, moi-même, mon bien cher ami, Anna. Autre lettre écrite à Paris cette fois et datée du samedi 21 octobre 1905 dans laquelle Anna de Noailles rêve d'un voyage en Espagne, voyage qu'elle ne fera qu'en rêve. Où êtes-vous, mon ami? Je ne sais plus bien l'adresse de Chenet et vous écris au boulevard. Quel froid pour qui revient de l'été basque! Je tremble, je gèle. Tout ce qui me tuait là-bas me semble charmant. Je pense au long ciel clair et calme, au tamarinier dont parle Baudelaire, à la vie nonchalante, dénouée, si peu vaniteuse, des beaux climats. Enfin, surtout, à l'Espagne, que je devine et que je comprends déjà comme si elle répondait à tout mon sang oriental. Je sais que j'en goûterai avec intelligence, je veux dire une totale sensibilité, l'ardeur, la pompe, la folie, le prétentieux tragique, les fastes funèbres. Et pour ce qui est de la guitare, j'en joue sur mes nerfs. Je compte aller là-bas au printemps et écrire un voyage en Espagne, mêlé de prose et de vers. Je sais bien que lorsque j'entendrai un muletier chanter une habanera sur la plaine aragonaise, ou Séville se détraquer au carnaval, je posséderai toute ma détresse. Je ferai ainsi un livre sans intrigue et sans roman, mais en m'écrasant sur chaque page. J'apprends que vous serez nommée en février. Quel bonheur ! Votre amie, Anna. Toujours à Paris, le jeudi soir 30 novembre 1905, Anna de Noailles écrit à Maurice Barrès après une visite chez le sculpteur Rodin. Mon cher ami, j'ai été chez Rodin. Bien entendu, pensant vous voir. Plus rien. Des bustes, des jambes de marbre, un Rodin armé d'un seau à charbon, bourrant un poêle près duquel je grelottais. La nuit venait dans la sinistre pièce. Le même Rodin à genoux, plein de génie et sentant le Bourgogne, me proposait un buste. C'est bien d'un buste, monsieur Rodin, qu'il s'agit. Enfin, tout cela très touchant, et au moins j'aurai un beau portrait. Je vous attends, mon bien cher ami. Je vous admire plus que vous ne saurez jamais et pense à vous du fond de mon cœur. Nous sommes le soir du jeudi 25 janvier 1906. Maurice Barrès vient d'être élu à l'Académie française avec 22 voix au fauteuil de José Maria de Heredia. Anna de Noailles écrit à son ami. Mon cher ami, j'ai pu vous paraître désagréable aujourd'hui parce que je mettais ma force à vivre et parce que le bonheur que nous donne le succès d'aujourd'hui, je ne le ressentais pas entre tant de visages qui brisaient notre solitude. Mais c'est ce soir, seul, et toute ma pensée tournée vers vous, que je le ressens tendrement. D'ailleurs, vous êtes pour moi à une si haute place unique, solitaire, que tout événement limité donne, après la joie, l'étonnement et la tristesse de ce qui se peut mesurer. Je sentais comme Philippe. Et puis je suis comme ces gens qui, quand un bonheur arrive, s'effraient, parce qu'ils étaient heureux avant, et qu'un changement trouble le cœur. Enfin, mon cher ami, vive ou morte, je suis un cœur que votre existence emplit. Je ne sais si je m'exagère, votre amitié. Elle est tout pour moi. Je voudrais bien que vous veniez me voir demain, c'est-à-dire aujourd'hui quand vous lirez ce mot, vers 5 heures. Avant, je passe chez le médecin. Bien entendu, je me décommande chez les Rostand. Ce n'est pas auprès d'eux que je veux mourir. Votre amie, Anna. En effet, Edmond Rostand, de l'Académie française, auteur de Cyrano de Bergerac, de L'Aiglon et de Chantecler, venait de voter pour Barrès et avait invité de ce fait les Noailles et le nouvel académicien pour fêter l'événement. Quelques mois plus tard, toujours en 1906, Maurice Barrès écrit à Anna. Comme nous verrons, ils ne partageront pas que l'amour des lettres, mais un amour passionné, quoique longtemps platonique, qui ne sera pas non plus à l'abri de querelles aux mots assassins. Neuilly, dimanche 13 mai 1906. Mon ami, j'ai eu de vos nouvelles hier à minuit par un jeune homme ravi. Je suis averti pour cet après-midi de la visite du cardinal, que je n'ai pu remettre car il part demain lundi matin. Et de la visite des Bourgeais, qui veulent goûter à 4 heures. Alors, je pourrais bien vous dire que je serai chez vous à 5 heures et demie. Mais ne me mettront-ils pas en retard? Et je crois qu'il serait plus sage, mon ami, que vous vinssiez ici. On sera aimable, paisible, avec un fond de tendresse. On sera comme vous devriez être. Je pense à la prairie d'Anfion, avec son tapis turc, quand vous étiez un précieux, le plus précieux et le plus douloureux objet d'art lointain, une fille de la forêt shakespearienne des Ardennes, et pas encore véhémente comme un journal d'un sou. Soyez pareil à vous-même, mon ami, pareil aux flacons de roses et aux pâtes parfumées des îles, ou bien au Trianon des jardins du XVIIIe siècle. Mais ne soyez pas bête comme un homme. J'aime l'ancienne Madame de Noailles et je voudrais quitter Paris une 8aine de jours afin de me promener avec cette morte, ma sœur, que seule aujourd'hui je recueille. Ressuscitez, mon ami, analysez ce que vous me reprochez et dites-le-moi. Si j'ai tort, je le reconnaîtrai et j'y remédierai. Il y a, d'une manière constante, un ferment de querelle entre nous et beaucoup des interprétations que vous faites de mes actes m'ont blessé. Je garde dans ma mémoire, comme une raie sur la cire du phonographe, telle de vos intonations détestables. Mais je garde par milliers vos plus aimables accents, dont je vous suis de tout mon cœur reconnaissant. Ainsi, rien n'est compromis. Mon amitié est jeune, neuve, avide. Mais vous êtes une lionne fatiguée qui bâille, chasse des moustiques invisibles, oh tracassière! Je vous baise les doigts. Ce que l'on demande à une amitié digne de ce nom, c'est l'embellissement, le poids, la fixité de la vie. Je suis épouvanté, ayant plus de courage à l'usage qu'à l'avance, je suis épouvanté des charges que la circonstance politique me met sur les épaules. Je ne vous demanderai pas de vous associer à un souci qui contrarie votre tempérament et même votre choix d'opinion, mais je vous supplie de ne pas me faire de petits et mesquins ennuis, mais d'être la nature royale que vous êtes née. Je vous baise les doigts. À 4 heures ou 4 heures et demie chez moi, en tout cas, je vous y attends et peut-être, sur le tard, pourrons-nous faire un petit tour. Mais comme dans toutes les relations de cœur, les mots doux reviennent. Maurice écrit à Anna de Roya le mercredi 25 juillet 1906. Mon ami, je suis fâché de vous écrire encore sur ce papier administratif, mais j'espérais en trouver ici du convenable. Il n'y en a pas. Je songeais tout à l'heure, en me détournant de ma fenêtre ouverte sur un vaste horizon, pour mieux penser à vous dans ma chambre mieux close, à cette parole du petit Thiers, je crois. Je ne laisse jamais passer une belle nuit sans y jeter les yeux, sans y perdre mon regard. C'est là ma messe. Moi, j'ai commencé mon discours, besogne un peu vulgaire, qui pourrait m'amuser, mais à laquelle je reproche de me distraire de la vraie nuit profonde, de ma messe, de vous-même. Le beau livre où je m'enfermerai avec délice, la peinture de notre amitié. Je sens trop bien, mon ami, que vous êtes pour l'instant paisible, un peu colombe à la gorge enflée, me regardant et jouissant de recevoir plus d'amitié que vous n'en offrez. Mais outre que cela est juste, je vous sais gré enfin d'être confiante, de ne rien surcharger. Hélas, mon ami, que le monde m'est indifférent. Je ne suis sensible qu'à la poésie dont vous êtes la chair vivante et me jette à travers vous dans le désir de périr. Que puis-je aujourd'hui désirer? Rien d'autre. Les mêmes choses avec plus de perfection. Ne fuyez pas, ne vous divertissez pas. Soyez plus belle encore, plus aimante, plus aimée, plus chantante. Soyez la même, avec plus de durée. Périr ou durer, je ne distingue pas. Ce que je veux, c'est la monotonie, c'est cette minute-ci éternelle. Il ne faut plus être inquiet. Je n'aime pas beaucoup que vous lisiez des romans. Ils vont vous faire soupirer. Et notamment, il ne faut pas que vous lisiez les romans de Madame de Noailles, car cette petite malheureuse de génie cherche toujours ce que vous, mon ami, vous avez trouvé. George Sand aimait-elle Chopin? Elle le priait de lui jouer des heures entières ses musiques. Je suis physiquement torturé par le souvenir de votre voix disant vos vers, et de vos mains et de vos paupières alors. Ne va-t-elle pas bientôt mourir? C'est la plainte que, malgré moi, le désir de vivre murmure dans mon âme, quand votre puissance s'exerce ainsi sur tout mon être sans défense, impiété étouffée, à peine conçue. Cette nuit, je ne pouvais pas dormir. Inquiet d'avoir mis une épingle qui pourrait vous blesser la main dans ma lettre de hier mardi. Soyez heureuse, mon amie. Respirez, délivrée de cette écrasante amitié. Petite masque. Vous n'avez pas admis que votre lettre si tardive aurait pu, de plus, s'égarer, et qu'ainsi, ne répondant pas à mon télégramme du soir où ma folie se révélait, vous me feriez souffrir atrocement. J'ai escompté toute la journée, en plus de votre lettre reçue, cette réponse télégraphique possible. Qu'importe. Maintenant, je ne veux que votre bonheur. Je vous le dois. Et vous baise la main. Nous sommes à Paris. Anna de Noailles souffre d'incompréhension de la part de son ami et lui en fait des reproches avec des mots plutôt amers. Mardi soir, 8 janvier 1907. Mon pauvre ami, j'ai relu votre lettre 3 fois avant de comprendre. Ainsi, hélas, vous me donnez des torts à moi qui suis blême et tué de fatigue, d'efforts, de luttes, de difficultés. À moi qui ai eu pour vous le génie du cœur, qui vous ai donné tout le sang de mon âme. Il faut notre amitié pour m'apprendre que c'est toujours l'homme qui se plaint, qui gémit, qui s'affaisse, et la femme qui dépense jusqu'à l'os tout son courage. On rêvait d'un ami qui protège, qui console, qui guérit, qui aide au moins dans les grandes difficultés que met autour de moi la vie. On ne voit qu'exigence ou dureté. Je mets sous vos yeux, mon pauvre ami, ces faits. Hier, moi, n'ayant pas dormi, pas vécu, et pourtant, ne pensant au bout d'une minute qu'à votre cachet de quinine, qu'à la température de votre tasse de chocolat, qu'aux calorifères pour vous, qu'aux douleurs dans les doigts dont vous vous plaignez. Vous vous habituez trop, mon ami, à ce qu'il y a de si abondamment, de si aisément divin dans un cœur qui vous est dévoué. Il vous faut la servitude de ce cœur, fait pour le céleste espace, et qui néanmoins s'est fixé près de vous. Ma vie, ma santé, mes dons, si j'en ai, vous sont indifférents, vous sont nuisibles. Jamais une minute de soutien. La paix divine, qui est de se revoir après les mauvais moments, vous y renoncez quand vous boudez, sans vous inquiéter de la déchirure que cela fait dans mon cœur. Soyez contrarié, fâché, injuste, boudez-moi, ne venez pas, ne vous informez pas de moi si vous le préférez ainsi, mais n'injuriez pas la seule force de ma vie, dont je sois orgueilleuse, mon dévouement, mon courage pour notre amitié. En publiant demain mon livre, dont les plus chères pages vous seront remises ou seront brûlées, je peux m'attendre à ce qu'on appelle un grand et profond succès. Comme dit le noble Michelet, une larme a coulé qui a percé la page, et cela émeut toujours, conquiert toujours. Que m'importe à moi pour qui l'univers est sans oreilles et sans yeux, qui me soit assez fraternel? J'ai les bons moments de votre cœur. Que la vie surchargée rend capricieux, amer, sévère, égoïste. Pauvre ami, dont la poésie n'est indulgente et douce que pour les mirabelliers de Lorraine. Demeurez donc éloigné de votre amie, vivante, abondante, humaine. Vivez avec les objets qui ne souffrent pas et ne font pas souffrir, qui n'exigent ni ne donnent, qui vous seront de doux prétextes à des chants suaves et mélancoliques. Moi qui chante la vie, dans mon livre, éperdument, j'aime plus que vous la mort. J'en ai plus besoin que vous, moi qui ne connais pas ces demi-morts qui font vos loisirs, vos recueillements. Comment sauriez-vous, cher génie morne et cadencé, ce que sont mes battements de cœur, cet éternel déchirement des veines, ces fontaines toujours jaillissantes? J'en meurs, mon ami. Je n'ai pas autre chose à dire. Écrivez-moi. Ne venez pas me voir. Votre sûre amie, Anna. Les années passent. Une rupture de 7 ans interrompt leur correspondance. Nous sommes en 1921, 2 années avant la mort de Maurice Barrès. Il écrit à son ami. Je ne sais pas pourquoi, mon amour, vous voulez me tuer par votre silence. Vous ne me remplacerez pas et vous ne trouverez pas aussi bien que celui dont vous et moi, nous savons les défauts, c'est entendu, mais qui vous aime, et mérite presque ce cadeau céleste. Il est 4 heures ce vendredi. Comme il y a 8 jours, mes yeux sont fixés sur tout votre être. Madame, que devenez-vous ? Je suis malportant, perdu dans mes brumes, dans un effroyable sentiment de solitude et de votre manque de profondeur, ou plutôt instabilité en amour. Je sais bien que vous vous enivrez même de profondeur et de stabilité et que personne plus que vous n'a ressenti ce dont je souffre par vous, mais n'êtes-vous pas une nature double, triple, innombrable ? Et dans le moment où j'ai vos mains dans mes mains, où sont votre regard, votre imagination, votre appel ? Ne cherchez donc pas ailleurs. Nulle part vous n'êtes plus glorieuse, plus jeune, plus immortelle que dans mon cœur, si sec, si méchant, si naïf. Et vous le savez, votre frère. Songez, si vous supprimez mes livres et mon être, le vide qu'il y aurait quand même dans votre existence. Dans mes livres, dans ma vie, vous occupez toute la première place. On ne pourra pas y regarder sans vous trouver d'abord. Et je ne vous dis pas ceci pour faire du chantage. Je sens que je ne durerai plus guère. Alors ramenez, si c'est votre idée, comme je crois, ramenez votre pensée sur moi. Envoyez-moi ce que nous appelons le testament. Je vous écrirai 20 000 pages. Mais m'écouterez-vous ? Je vous baise les doigts. Songez qu'il nous appartient encore de faire de nos deux vies et de notre rencontre une réussite, un bonheur parfait. Donnez-moi la confiance, mon amour. Entrons dans le bonheur et l'harmonie. Dès le lendemain, Anna lui répond. Paris, samedi 3 septembre 1921. Mon ami, je suis désespérée de votre anxiété. J'ai eu une forte grippe qui va beaucoup mieux et dont je ne vous ai pas parlé hier pour ne pas vous attrister. Mais j'aurais écrit du fond de la tombe, bien entendu, comme jadis, car il n'y a pas de jadis. Il y a un toujours et un pareillement, si je n'avais pas cru comprendre que vous étiez à Sampigny, etc., et que je devais attendre un signe de vous, de là-bas. Toutes vos chères lettres sont près de moi, celles de Paris, celles de chez vous et le mot de ce matin. Qu'il est douloureux de souffrir séparé, dans le malentendu des postes, quand la pensée, si invariable soit-elle, ne se communique bien que de près. Croyez bien que je n'ai au monde de point d'appui que votre existence et votre pensée et tous les dons que vous me faites, que je crois tout ce que vous me dites, que j'ai eu confiance en notre secret même quand tout cherchait à lui nuire et à le détruire, que je ressens chaque heure davantage notre unité et ce qu'elle a d'exclusif, que je voudrais bien m'endormir à jamais à vos côtés, trouvant là un paradis dans la paix. Qu'y a-t-il de plus différent d'une âme curieuse et insatisfaite que ce profond souhait de repos près de vous qui borne tout souhait pour moi ? Je ne retrouverai d'activité que si elle peut vous plaire et vous servir. Pour moi, je ne me complairai plus qu'à l'infini qui est en vous, en nous. Ne me méconnaissez pas au moment où je suis le plus semblable à vous et tout en vous. Anna. 2 ans après cette lettre, Maurice Barrès mourut, en 1923. En février 1927, donc 4 ans après la mort de son ami, Anna de Noailles lui adressa ce poème. « Je n'avais jamais rien à dire qu'à toi. Aux autres, je parlais, comme l'on se meut ou respire. Mais jamais mon cœur ne mêlait son trésor à leur existence. Nous seuls, n'avions pas de distance. Sûrs d'un familier infini, nous étions pressés, réunis, dans l'étroitesse ou dans l'espace. En toi seul, j'étais à ma place. Que veux-tu que la gloire soit, si ce n'est l'image de soi dans l'âme que l'on a choisie ? L'offrande de la poésie, je la faisais à ton regard. ce n'était que dans ta prunelle que j'étais juste et naturelle. Désormais, sans vœu, sans égard, je suis cette errante hirondelle dont on voit sur l'azur hagard se déchirer les noirs coups d'ailes. Nous remercions Mireille Pastoureau, directeur conservateur de la Bibliothèque de l'Institut de France, d'avoir prêté ses précieuses lettres conservées à l'Institut et qui a bien voulu interpréter pour vous le personnage d'Anna de Noailles dans ses lettres. Nos remerciements vont également à Fernand Guillot dans le rôle de Maurice Barrès.